Le roi des aventuriers. Roman par Maurice Boué. Première partie. Un rival d'Arsène Lupin. Chapitre 1. La maison mystérieuse. C'était une sombre et orageuse nuit d'octobre, une de ces nuits qui semblent propices aux crimes et aux drames obscurs. Sous une pluie battante, une automobile couverte, aux stores baissés, s'engagea dans la rue de Clignancourt et s'arrêta devant l'impasse du même nom. Deux hommes, dont le chapeau baissé sur les yeux et le collet du par-dessus relevé dissimulaient les traits, en descendirent et sonnèrent à la porte d'une maison de l'impasse. Lui tourna sur ses gonds. Une femme parut sur le seuil. « Monsieur Corbier est-il chez lui ?» demanda un des inconnus. « Oui, monsieur. Nous désirons le voir, lui parler personnellement. « Il est bien tard, messieurs, » dit la femme, dont le regard méfiant cherchait à dévisager les inconnus. « Mon mari allait se mettre au lit. Ne pourriez-vous revenir demain matin ?»« Non, madame, il s'agit d'une affaire très urgente et de la plus haute importance. » Intriguée, la femme hésita un instant encore, puis elle prit une décision. « En ce cas, veuillez entrer, messieurs, je vais avertir mon mari. » Elle introduisit les visiteurs dans une petite chambre meublée très simplement. Les deux inconnus s'assirent. Quelques instants après, un homme d'une quarantaine d'années, à la tournure d'ouvrier aisé, fit son apparition dans la pièce. « Monsieur Corbier ?»« C'est moi, monsieur. »« Vous êtes bien maître maçon ?»« La proposition que nous venons vous faire vous semblera peut-être étrange, mais nous sommes disposés à payer le prix d'or, le service que nous attendons de vous. »« Je vous écoute. » »« Voici de quoi il s'agit. » Vous allez vous munir de vos outils de maçon et nous accompagner. Quand ? À l'instant même. À une pareille heure, messieurs, n'y songez pas. L'ouvrage sera rapidement exécuté, il suffit de murer une porte. Je puis vous envoyer un ouvrier demain à la première heure. Non, demain il sera trop tard. Et puis l'ouvrage que nous vous confions exige de la discrétion la plus absolue. C'est pourquoi nous avons tenu à nous adresser à vous personnellement. Mais, messieurs, vous ne supposez pas que je vais entreprendre un travail à une heure aussi tardive? Je vous l'ai dit, nous mettrons le prix. Vous fixerez vous-même la somme. Nous ne regardons pas à la dépense, vous dis-je. 1 000 francs vous semble-t-il une somme suffisante? 1 000 francs? Pour 2 ou 3 heures d'ouvrage. 1 000 francs? 1 000 francs? Répétait le maître maçon, étonné, alléché par cette offre royale. Acceptez-vous ? Si j'accepte ? 1 000 francs ? Ah ben oui que j'accepte ! On ne gagne pas ainsi tous les jours 500 francs de l'heure. Alors, vous êtes prêt à nous accompagner ? Notre auto vous attend. Un éclair de méfiance qui n'échappa pas aux étrangers passant dans les yeux de M. Corbier. L'un des inconnus ouvrit son portefeuille et en tira 2 billets de 500 francs qu'il tendit au maître maçon en disant « Pour dissiper les soupçons que pourrait faire naître dans votre esprit la singularité de notre proposition et notre visite à une heure un peu tardive, je tiens à payer par anticipation le service que nous attendons de vous. » L'argent a toujours été pour l'homme le mobile suprême, l'argument sans réplique. Rien n'inspire confiance comme la main qui se tend, cette main fut-elle celle d'un escroc ou d'un meurtrier. Les 1 000 francs avaient mis des ailes aux pieds de M. Corbier, qui, avec l'agilité de Mercure, rassembla ses quelques outils et se précipita, pour ainsi dire, dans l'automobile qui stationnait en face de l'impasse. Ses deux clients avaient déclaré qu'ils trouveraient chez eux toutes les briques et le ciment nécessaires pour terminer le travail qui lui était commandé. Le maître ouvrier venait à peine de prendre place dans l'auto que l'un des inconnus lui banda les yeux, tandis que son compagnon disait d'un ton menaçant « Pas un mot ou vous êtes un homme mort !» Et M. Corbier sentit sur son front le cercle froid du canon d'un revolver. Plus étonné encore qu'effrayé, il résolut de se tenir coi et d'attendre. La voiture fit des tours et des détours dans le but évident de dérouter toute observation et, après plus d'une heure de cette course singulière, elle s'arrêta. L'ouvrier, à qui, durant le trajet, les inconnus n'avaient pas adressé une seule parole, sentit qu'on lui prenait la main, tandis qu'un des étrangers disait sur un ton de commandement « Suivez-nous sans rien dire, votre vie dépend de votre silence. » M. Corbier tenait assez à la vie pour obéir à ce prix. Les yeux toujours bandés, il suivit donc ses deux conducteurs. Ceux-ci l'introduisirent dans une maison, lui firent gravir les escaliers et, enfin, lui enlevèrent le bandeau qui lui couvrait les yeux. Le maître maçon constata qu'il était dans une chambre fort spacieuse, mais entièrement vide, pas un meuble, pas une chaise, pas un rideau aux fenêtres. Les deux hommes délibérèrent à voix basse, puis ils firent passer M. Corbier dans une chambre voisine qui, comme l'autre, était entièrement dénudée. Ils lui montrèrent, dans un coin, un petit réduit qui semblait ouvert dans l'épaisseur d'une muraille et que dissimulait une porte recouverte de la même tapisserie que celle de la chambre. « Voici l'espace à murer, dit un des étrangers. Vous enlèverez aisément la porte dont les gonds sont rouillés. Dans la cour de l'hôtel, vous trouverez des briques et du ciment. Si vous vous acquittez consciencieusement du travail que nous vous confions, nous augmenterons votre salaire. » Sous la conduite d'un des deux inconnus, qui, un revolver à la main, surveillait ses moindres gestes, le maître maçon travailla son mortier, monta les briques et se mit à l'œuvre. Bientôt, le mur s'éleva. Tout en travaillant, M. Corbier examinait le réduit. Celui-ci ne contenait qu'une caisse assez spacieuse, ou plutôt une espèce de malle fermée par deux verrous. L'ouvrier se demandait la raison mystérieuse qui poussait ses deux clients à faire murer ce réduit la nuit. Quant à cette malle qu'on ensevelissait dans sa tombe, quel secret profond et terrible contenait-elle ? Problème troublant, question angoissante. Le maître maçon travaillait avec ardeur. Lassé sans doute de leur surveillance ou appelé à quelque autre endroit, les deux inconnus avaient laissé M. Corbier à son travail et s'étaient retirés, disant qu'ils reviendraient dans quelques instants. L'ouvrier profita de ce répit pour se reposer un instant et examiner à nouveau la malle mystérieuse. Soudain, il lui sembla percevoir une plainte sourde, un épouvantable râle d'agonie. Il frémit et sentit l'effroi le gagner. Il crut deviner que cette lamentation sourde, presque inaudible, sortait de la malle qu'il entrevoyait dans l'ombre du réduit. Un instant, la plainte devint plus perceptible, puis elle s'éteignit comme étouffée. Mais cet instant avait suffi pour persuader M. Corbier que l'étrange lamentation sortait du réduit. Il sentit ses cheveux se dresser. Quelle abominable besogne accomplissait-il ? Dieu sait ! Il ensevelissait peut-être à jamais, dans la tombe, une innocente victime. Cette idée l'incita à agir. Il n'avait pas de temps à perdre. À tout instant, ses étranges clients pouvaient réapparaître. Sans plus d'hésitation, il approcha le chandelier du réduit, enjamba le mur qu'il construisait et fit glisser les verrous de la malle. Si celle-ci était fermée à clé ou clouée, il n'aurait certes pas le temps d'ouvrir. Aussi fut-ce avec une crainte mêlée d'angoisse qu'il étendit la main vers le couvercle. Mais ce couvercle céda, M. Corbier le soulevant en tremblant. Puis, approchant le chandelier, il plongea avidement ses regards à l'intérieur du coffre mystérieux. Et soudain, un tremblement nerveux l'agita et il recula avec effroi. Une seconde avait suffi pour imprimer à jamais dans son cerveau un spectacle horrible. Oui, une seconde avait suffi pour que ce spectacle, dût-il vivre 1000 ans, il ne l'oublia jamais. Qu'avait-il donc vu ? Il avait vu deux éclairs, un regard de feu dardé sur lui, un regard terrible qui reflétait à la fois l'horreur la plus violente et la haine la plus menaçante. Oui, c'était aussi une menace épouvantable qui brillait dans ses yeux que l'on eût dit à demi arrachés de leurs orbites et qui le fixaient de leurs flammes fascinatrices. Qu'y a-t-il au monde de plus expressif, de plus doux ou de plus effrayant qu'un regard? Qu'y a-t-il de plus mystérieux que deux yeux qui vous contemplent dans l'ombre? Or, les yeux qu'avait vus M. Corbier étaient d'autant plus impressionnants qu'ils éclairaient de leur flamme un visage blafard, un visage mort, aux traits crispés par la douleur. Et le regard qu'il avait frappé était comme une dernière lueur de l'âme dans un cadavre déjà froid. Quant au visage de l'inconnu, l'ouvrier l'aurait désormais reconnu entre mille, malgré le sang coagulé qui le maculait. C'était bien une tête mâle et hardie, aux traits fins et nettement accusés, un nez droit, aux sourcils bien arqués, aux lèvres fines, qu'ornait une coquette moustache noire relevée en croc, un menton volontaire d'où jaillissait une royale en bataille, telle que la portaient les seigneurs de la cour de Louis XIII. Oui, c'était une de ces têtes du XVIIIe siècle, comme on n'en voit plus que dans les tableaux anciens, comme le maître maçon n'en avait vu qu'au théâtre lorsqu'on jouait les Trois Mousquetaires ou quelque autre pièce de cap et d'épée. M. Corbier, à l'aspect de cette tête blafarde et sanglante, de ses yeux au regard fixe et terrible, de ce corps qu'il devinait contorsionné par les atroces souffrances qui précèdent la mort, avait reculé en poussant un cri d'effroi. Aussitôt, il entendit du bruit derrière lui. Des pas se rapprochèrent. Ses deux clients inconnus lui apparurent, graves, muets, implacables comme des justiciers. Enfin, l'un d'eux lui dit d'une voix tranchante, chargée de menaces latentes, « Pourquoi avez-vous ouvert ce coffre ?»« J'avais cru entendre une plainte, » balbutia M. Corbier. « Ce n'est pas une raison. Nous avions exigé de vous la discrétion. Nos secrets n'appartiennent qu'à nous. » Continuez votre travail, nous saturons bientôt sur votre sort. » Le maître maçon se rebiffa. « Continuez mon travail, s'écria-t-il, murer un cadavre, ensevelir un crime dans une tombe, alors que la victime crie vengeance, jamais !» D'un geste mesuré et calme, l'inconnu leva son revolver. L'ouvrier vit la gueule menaçante de l'arme, le fin cercle d'acier d'où jaillirait la mort qui allait le frapper. Il trembla, non pour lui, mais pour sa femme et ses deux enfants. Et il hésita. D'un côté, le devoir, de l'autre, l'amour familial, la vie des siens, le bonheur. L'inconnu sembla lire les pensées qui agitaient l'ouvrier, deviner le combat qui se livrait en lui, car il dit « Songez que nous faisons partie d'une association puissante qui frappe dans l'ombre et se venge. Songez à votre famille. » L'ouvrier courba la tête, il était vaincu. « Préférez-vous terminer votre besogne ou mourir ?» reprit l'inconnu. « Je terminerai ma besogne, » dit M. Corbier en frémissant. Il se remit au travail fiévreusement, en songeant. Il cherchait à excuser sa lâcheté en se disant « Après tout, je ne puis rien faire pour l'instant. Ma mort ne sauverait pas l'inconnu qui repose dans la malle. » Et puis, cet inconnu est mort maintenant, selon toute vraisemblance. Le parti le plus sage à prendre, c'est d'attendre. Quand je serai libre, je révélerai à la police tout ce que j'ai vu. Une demi-heure après, le réduit était muré. « Bien, dit un des inconnus à l'ouvrier, nous sommes satisfaits de votre ouvrage. Vous allez retourner chez vous comme vous êtes venu. Mais souvenez-vous que nous exigeons de vous le secret le plus absolu. Une seule parole imprudente sortie de vos lèvres, la moindre révélation faite à votre femme, et notre vengeance serait implacable. Elle vous frappera, vous, et ceux à qui vous auriez révélé notre secret. » M. Corbier ne répondit rien. Il avait presque honte de lui-même et frissonnait d'indignation. Il se laissa toutefois bander les yeux et conduire par la main. Les inconnus lui firent descendre les escaliers qu'il avait gravis en venant. Puis il monta dans l'auto, qui partit à grande vitesse, et refit de nouveau de nombreux détours pour dérouter l'observation. Enfin, la voiture ralentit peu à peu sa marche. « Descendez, dit une voix, et pas un mot. » Au même instant, M. Corbier sentit qu'on lui enlevait son bandeau. Il franchit le marchepied et sauta à terre. L'auto, dont le moteur était toujours en mouvement, partit avec un ronflement sourd et précipité. L'instant d'après, elle avait disparu dans l'ombre de la nuit. M. Corbier, d'abord étourdi et ébloui par la clarté d'un réverbère, tourna la tête autour de lui, cherchant à reconnaître l'endroit où il se trouvait. Il reconnut la rue de Clignancourt. L'impasse où il habitait était à quelques pas. Tout frémissant encore, du souvenir des étranges événements auxquels il venait d'assister, il rentra chez lui.